France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Juifs l'un et l'autre, Renette Loranaise et Lili Boniche étaient parmi les plus grands représentants de la musique arabo-andalouse, parmi les plus grandes de ses voix. L'un et l'autre avaient eu pour maître Messaoud El Medioni, dit Saoud Lorané, juif lui aussi, qui mourut assassiné au camp de Sobibor en 1943. C'est à lui que Sultana Daoud devait son surnom de Renette. Dans des registres différents, Renette Loranaise et Lili Boniche auront connu le succès puis l'oubli après qu'ils aient dû quitter leur Algérie natale qui accédait à l'indépendance. Plus tard, les années 80, qui redécouvraient les musiques du Maghreb et leur gloire passée, les ramenèrent dans la lumière des scènes internationales. En 1991, l'ENU Magnétique proposait aux auditeurs de France Culture les portraits associés de Renette Loranaise et de Lili Boniche. Bonsoir, Nuit Magnétique. Les doubles cordes ou les enfants de lutte, Renette Loranaise et Lili Boniche. Bruno Sourcy, Jean-Pierre Milovanov. Savez-vous, quand je ne travaille pas, je vous jure que je ne sais pas du tout que je m'appelle Renette Loranaise. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je suis. J'y pense pas du tout, mais alors, mais pas du nombre. Alors, quand je me mets sur scène et qu'on m'applaudit comme ça, il est quand même. Ben voilà. Le premier récit, c'est la voix. Avant toute désignation, toute phrase, quelque chose surgit dans le murmure ou le balbutiement, porté par le souffle d'où naît le chant. On parle de timbre, d'accent, d'inflexion, d'intonation. Le vocabulaire de la musique nous aide à cerner une réalité qui n'a pas de nom, la particularité d'une voix. Liaison unique, violente, d'un corps et d'une âme, jetés ensemble dans le temps. En fait, il y a des voix qui nous parlent, d'autres qui ne nous disent rien. L'injustice n'est pas aussi grande qu'il y paraît, car ces voix qui sont des récits, nous ne les entendons pas souvent dans les médias, bien qu'elles s'élèvent autour de nous, discrètement. Ce soir, un double portrait, celui de Lili Boniche, musicien qui n'a pas oublié le chant arabe classique, même s'il se consacre plutôt à la variété. Et tout de suite, une chanteuse immense, dont la voix demeure comme une légende, Renette Loranaise. Ah, je suis née d'un département d'Oran, ça s'appelle Tiarette. J'ai perdu la vie à l'âge de 2 ans. Et après, forcément... Maman a tout fait pour moi, pour essayer de remédier à ce mal, mais malheureusement le docteur lui a dit c'était fini. Alors, il lui a dit la meilleure solution, c'est de l'envoyer à l'école des aveugles. Et c'est ce qui m'a fait faire un très grand pas dans mon métier. Parce que si je ne savais pas lire et écrire le braille, je n'aurais jamais pu apprendre ce métier aussi profondément que je l'ai appris. Parce que ces chansons sont très longues et il faut les apprendre mot à mot. Voilà. « J'avais 16 ans. Ben, maman n'a pas toléré que je sois dans un coin comme ça en train de m'ennuyer. Alors elle a voulu que j'apprenne un métier pour m'égayer, puis égayer ceux qui éventuellement m'auraient écouté. Et alors elle m'a proposé à Monsieur Saoud Lorani, qui lui a bien voulu m'apprendre ce métier. C'était un musicien oriental, et qui était très estimé par tout le monde, par les musulmans, par tout le monde. Il était gentil, il était très bon. Et alors, il m'apprenait ce métier avec amour. Il voulait que je réussisse. Et moi, je le respectais, je le craignais tellement. Je le craignais parce qu'il était sévère, mais enfin, il était sévère. Bien à propos, mais je faisais tout pour ne pas recevoir des observations de lui. Eh ben, il m'a appris ce métier, puis après son départ, bien entendu. Parce qu'après, il a voulu venir ici à Paris. Et là, à Paris, ben, après, il y a eu la guerre. Il a été pris avec tous les déportés, et ainsi de suite. On ne l'a plus revu. Mais il n'était pas musulman? Non. Il était comme moi. C'était un Israélite, et c'était la preuve qu'il a été déporté. Hein. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'y peut rien. Mais enfin, on ne l'a pas oublié, la preuve que j'en parle toujours et constamment. De quel instrument jouait-il? Ah, il jouait, lui, tous les instruments. Il jouait en principe dans l'orchestre et il jouait du violon. Mais enfin, il jouait du luth également, que c'est l'instrument que j'ai adopté moi-même. Mais enfin, quand il est parti, je ne savais pas en jouer. Il me l'a donné une fois, je jouais une fois ou deux à côté de lui. Enfin, il me l'a donné en main seulement. Et par la suite, ben, j'ai appris à jouer cet instrument-là que j'aime beaucoup. Ça rappelle vraiment la musique orientale. C'est un son un peu grave que j'aime beaucoup. Et alors, nous avions un avantage qui était celui-ci, c'est qu'il avait un établissement à Oran, dans lequel on se produisait tous les jours, tous les soirs du moins. Tous les soirs, alors, vous savez, les gens venaient nous écouter, et musulmans et israélites, ceux qui en étaient amateurs. Et alors ça nous faisait une répétition, puisque nous chantions presque tous les soirs les mêmes chansons qui nous étaient commandées par les amateurs de cette musique-là. Alors, ça a un peu facilité la tâche à mon maître, ça. Et forcément, j'aimais ça, j'aimais cette musique. Et alors, par la suite, ce que j'ai apprécié, c'est la poésie arabe. La poésie arabe est très riche. On ne peut s'imaginer ce qu'elle peut être riche. C'est très profond. Ça n'est pas banal, ça n'est pas... C'est pas des chansonnettes qu'on entend aujourd'hui, enfin... كناني الضل من غير سباب من ضحكت وبكاني J'aime être sur scène. Je vous dis franchement, quand je suis sur scène, je n'ai jamais dit ce mot, mais c'est vrai. Vous savez, je m'occupe de rien parce que je dois chanter du classique pour commencer. Et alors, je ne veux pas qu'il y ait une faille. Je ne veux pas qu'il y ait une faute de prononciation. Alors, je m'applique pour que ce soit bien. En réalité, les musulmans m'ont fait honneur. Ils m'ont toujours rempli les salles. Ils apprécient que je suis, pour ainsi dire, la seule à être restée et que j'exécute bien les morceaux. Ils viennent écouter ce qui est bien. Je devrais pas dire ça, peut-être. Enfin, je fais tout pour que ce soit bien. Et alors, j'ai une parole à côté de l'autre, une parole à côté de l'autre. Et vous savez, il faut pas se tromper. Alors, c'est difficile. C'est difficile, l'arabe. Et ceux qui parlent constamment et toujours une langue, c'est plus facile. Tandis que moi, là, je suis la reine pour chanter. Alors, et je veux que ce soit bien. Alors. Parce que vous ne parlez l'arabe que pour chanter. Oui, de temps à autre, on peut glisser un mot, mais ce sont des mots courants. Par exemple, s'il y a des expressions. Il y a des expressions que je préfère en arabe. Elles expriment mieux ce que je veux dire. Alors, je les emploie. Est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson? Vous allez avoir des enregistrements. Il y a très longtemps que je n'ai pas chanté, j'ai ma voix trop froide. Vous allez enregistrer ça, ce ne sera pas bien. Juste une mélodie pour nous donner une idée? Vous ne voudriez pas m'enregistrer comme ça, c'est affreux. Non, je ne peux pas vous chanter ça comme ça. Vous vous souvenez de la première chanson que vous avez interprétée devant un public? Je vais vous dire, mon maître a eu l'idée de faire ma chanson à moi, pour ma cécité. Et, ça, je vous garantis qu'elle a eu beaucoup de succès. Mais partout, au Maroc, partout, en Algérie. Partout, elle a eu beaucoup de succès, cette chanson-là. C'est une chanson qui m'est propre, quoi. Et alors, enfin, c'est pas moi que vous chantez. Moi, je peux pas vous chanter comme ça. Qu'est-ce que je veux vous chanter? J'aime beaucoup le piano, mais malheureusement, je ne travaille pas assez. Je ne me rappelle pas. Je vous assure, je ne sais combien, il y a combien de temps que je ne chante pas, j'ai la voix froide. Si j'avais su, je me serais chauffé la voix un peu. Mais moi, je m'accompagne jamais au piano. Jamais. Et je vous assure, ça ne va pas être bien, parce que je ne joue pas bien du piano, moi. C'est le plus grand pianiste qui est actuellement. Il s'appelle Mustapha Skandrani. C'est lui qui m'accompagne toujours. Et toujours, il vient dans tous mes concerts. Alors, il y a le luth à moi, il y a le luth. C'est Renette qui le joue et le pianiste, voilà. C'est moi qui ne le suis pas. Oh, yeet, fliyam al-sabar, al-sabr, ma fadni shi, ma fadni. Attends, je vais essayer de traduire. C'est un petit rien, ça. C'est pas très profond, ça, ce que je vous ai chanté. Là. C'est un petit quelque chose. Ayet fliyam sabar. Je n'ai fait que patienter dans ma vie. Mais la patience n'a rimé à rien. Et haqlim bad wulfé. Après le départ de mon habitué, je ne peux plus croire à rien. C'est un, qu'on vous dirait un flamenco, voyez-vous. C'est pas une chanson, c'est comme vous diriez un flamenco qui chante les Espagnols. Yo la li la li la la la. Mais je l'ai traduit comme j'ai pu, hein. J'ai pas d'instruction, moi, pour pouvoir bien vous traduire les choses. Mmh. يا عشاق الزين صادوا ما في القلب حزين جراح القدين بالدم زي ما سيانا شعل صنار البين في دليلي والهوج توالا هبوا يا حنيني طاب قلبي من قولة لالا حسن بديع كيف ينام نبيه وليه الأقطار جميع ما متلك يفهم يالا وصلك راه منيح على عشيقك يحطم ويتمالا يا ابو يا حنيني طاب قلبي من قولة لالا رينيت لورانيز Voilà, je suis en train d'étudier une chanson, voilà. Voyez, voyez le braille, voilà. Je suis en train d'étudier une petite chanson populaire, tout à fait, qui me plaît à moi. Et c'est une ancienne chanson, mais qui est jolie. Vous savez, quelquefois on croit qu'on sait la chanson. Quand on vient pour la chanter, c'est autre chose. Parce qu'il faut mettre les mots à leur place. Alors, forcément, eh ben, j'étudie jusqu'à ce que ce soit bien. Et elle est mignonne, elle me fait. Vous voulez que je vous l'aime ? Moi, je m'en fous. Je joue quelques notes pour retomber dans la mélodie. زرق الجناحين يا القمري عم الوحد الجميل فيا الله يهديك يا القمري توصل للتيالي إذا أنا فنات عمري ما نحشق غير سبيا j'aime cette chanson. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah, qu'est-ce qu'elle raconte ? Il parle à un pigeon voyageur. Oui, oui, comme c'est imagé quand même. Sergel Jenhin, toi l'oiseau bleu, amel wahed el jmil fiya, c'est-à-dire, prends ma parole en considération. Rabbi yehdik el gamri, c'est-à-dire que Dieu t'influence pour accomplir ma mission, pour que tu arrives à la bien-aimée, Tosol Tseyhalia. Tu arrives à celle qui me fait, comment pourrais-je dire, Tseyha? Comment on dit Tseyha? Qu'est-ce que ça veut dire Tseyha? C'est-à-dire celle qui se croit plus que moi. Ida ana fnat amri. Même si ma vie était terminée, Je n'aimerais que cette fille. De classique, vous voyez la différence. Voilà. Je vous dis, vous avancez pas du tout pareil. Hein. Je vous fais un seul couplet. Hein. Sont très anciennes. Ah, de depuis le de, depuis toujours, quand les Espagnols ont chassé les musulmans et les Israélites qui sont allés habiter en Algérie, eh ben, ça date depuis ce temps-là, hein, vous rendez compte. تعطف ما يحن قلبك نصراني ياك حيل العين والشفار Ce qui est assommant dans cette musique-là, il y a quelque chose d'assommant. C'est qu'il y a de moins en moins des amateurs. Alors, c'est un peu désespérant. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça comme j'ai aimé moi. Comment pourrais-je vous dire ça ? Il faut... D'abord, ça, il faut que ça pénètre en soi. Sans trop, on ne peut pas l'interpréter. Le fait que vous ne soyez pas arabe n'est pas une gêne pour cet art. Vous avez bien fait de poser cette question. C'est ce qui a fait que je me suis appliqué le plus qu'il était possible de le faire. Étant donné que je ne suis pas musulmane, je n'ai pas voulu qu'on me trouve des fautes de prononciation. Alors j'ai tout fait. J'ai pris le chemin de façon à ce que je fasse ça, je fasse cette musique à la perfection. Je voulais être à la hauteur de ma tâche. Le cri et le murmure, le récit sans commencement, le chant profond. Il y a des voix qu'on quitte à regret, celle de Renette Loranaise, interprétant ici une composition récente sur un poème du XVIIe siècle. ما فادني دمام هجرتيني يا كامل البهم بعد وصالك لعنة انا قرطام تخضر يا ما عدن الاخضر تخضر يا ما عدن الاخضر تخضر يا ما بعد ما حليت فيك عيني تجفيني الله يغار مني غار الله يغار مني غار هجرتيني بغير سب داويني سيدي بركة من الهجر ما تعطف ما يحن قلبك مصراني يكحي Les doubles cordes ou les enfants du luth, Renette Loranaise et Lily Boniche. Lily Boniche. Habib انتي معايا وانا نعانق ونموت ويموت وعدايا زيد عمر الكاس يا عمري ما حبوبي اللي نحبو في قلبي يا علم ربي زيد عمر للكاس يا عمري. Voilà ma première chanson quand j'avais 10 ans. Je l'ai entendue sur un disque de ce fameux professeur que j'avais, enfin qui était un des plus grands chanteurs d'époque, qui est Saoud Lohrané. Saoud Lohrané. À l'origine de la vocation de Renette Lohranès, il y a un musicien, Saoud Lohrané. Un autre élève de Saoud est Lili Boniche, connue surtout pour ses chansons en franco-arabe, mais qui n'a pas oublié l'enseignement du maître et ses années d'apprentissage. Il y avait par exemple 30, 40, quarantaine d'élèves. Bon, voilà comment ça se passait. Quand il y avait un cours, il y avait le professeur qui commençait à chanter un couplet, par exemple. Et le premier à qui il disait de le reprendre, c'est moi. Parce que ma tête, était... il savait tout de suite que je l'enregistrais. Il disait, ah, Lili Boniche, Lili, à toi. Et tout de suite, je chantais derrière lui exactement tel qu'il faisait le couplet. Bon, alors, il y a trois couplets. Et un mutla, c'est plus court. Et après, on reprend le même couplet. Mais vous voyez, pour moi, c'est... quand j'apprenais le premier couplet, c'était fini. La chanson, elle était entérinée pour moi. Elle était apprise, vous comprenez? Je l'apprenais. C'est fini. Non, j'avais une tête... j'adorais ça, alors. Moi, je suis né à Alger, à la Casbah d'Alger. En plein Casbah, voilà. Et donc, évidemment, comme j'étais... C'était un quartier arabe. Je parlais l'arabe couramment. Voilà. Et la musique arabe me plaisait beaucoup. Mon père jouait déjà de la mandoline. C'était un virtuose de la mandoline. Mais mon père ne voulait pas me prêter la mandoline. Vous savez, il y avait les anciens, une commode... Les anciennes commodes, le premier tiroir, le deuxième était fermé, mais le premier non. Alors moi je tirais la première commode et sa mandoline était dans la deuxième tiroir. Je lui volais la mandoline et je montais à la terrasse et je grattais. Bon, j'ai joué la mandoline vite fait quoi. Et puis donc cette musique arabe me plaisait beaucoup. Et... Mais vous n'êtes pas arabe ? Non, je suis israélite. Et donc, j'écoutais des disques arabes, et je m'apprenais sur les disques arabes. Et puis, il y avait un grand chanteur qui était Orané, un des plus grands chanteurs de l'époque. J'avais chanté une de ses chansons. Et je jouais dans une noce avec mon papa, et ce monsieur est venu, ce grand chanteur est venu, il m'a entendu chanter. Il lui a demandé à mon père la permission, il lui a dit à mon père, voilà, si tu me donnes ton fils, dans 3-4 ans, je te le rends un grand chanteur. Voilà, donc, mon père ne voulait pas, il était réticent parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. Moi, j'ai pleuré avec mon père, il m'a dit, bon, allez, ne pleure pas, bon, je vais te laisser partir, tu aimes tellement ça. Et je suis parti donc avec ce grand chanteur qui s'appelle Saoud Lohrané, un grand chanteur de l'époque. Donc, j'avais 10 ans et demi à peine. Et puis dès que je suis arrivé avec lui, dans les tournées, j'ai joué le luth. La mandoline, j'ai laissé, il m'a donné le luth à jouer. Vous savez, ce qu'on appelle le oud. Le luth à 12 cordes. Bombé, là, vous savez. Et puis, fil en aiguille, j'écoutais, j'avais une oreille, j'avais tellement un amour pour ça. Je suis resté donc 3 ans avec lui. Et puis, vous savez, chez nous, on fait la communion à 13 ans. 13 ans et demi, exactement, on fait la communion. La bar mitzvah, on appelle ça. Donc, il m'a accompagné à la gare, il m'a dit, tu vas à Alger, moi, je viens te faire la communion là-bas. Mais en 3 ans, j'avais appris d'abord les airs, j'avais appris les débuts des morceaux. Bon, comme la musique arabe, ce sont des morceaux qui sont très longs. J'avais amalgamé beaucoup, beaucoup du métier. Et il est venu, donc, il m'a fait la communion à Alger, à 13 ans et demi. Il m'a fait une grande communion avec mes parents, tout ça, enfin. Et puis donc, après, je suis retourné avec lui à Oran pour pas... dire tout de suite, je le laisse, mais dans ma pensée, il fallait que je parte, il fallait que je me débrouille tout seul, il fallait que je chante, il fallait que... Donc je suis arrivé à Oran, je retourne avec lui après ma communion, et puis après, je lui dis, écoutez, Ma'alem Saoud, patron Saoud, Ma'alem Saoud, ça veut dire professeur, quoi. Je retourne chez mes parents parce que j'ai besoin de travailler pour mes parents, et c'était vrai, c'était vrai. J'arrive donc à Alger, 13 ans et demi, qu'est-ce que je fais? Je refréquente les sociétés de musique arabe pour apprendre le grand classique arabe. J'apprends donc le classique parce que lui, c'est du Hawzé qui fait le Saoud Loranais. Il faisait du Hawzé avec de la musique populaire, un peu quelques musiques populaires, vous voyez, déjà un peu modernes, quelques chansons modernes. Donc moi, j'ai voulu encore pousser plus et apprendre mon classique. Donc j'ai bataillé encore un an et demi jusqu'à 15 ans. Et à 15 ans, j'étais à Radio Alger. Je suis monté, je me dis, qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Je dis, ben écoutez, moi je suis chanteur, je voudrais que vous m'écoutiez. Bon, ils m'ont dit, passez au studio en face. J'avais mon luth. Je passais au studio, j'ai chanté pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est long, hein? Mais enfin, pas pour moi, mais... Et de là, vous savez, il y a des carreaux, vous savez, dans les radios, il y avait des carreaux... Et à travers le carreau, le directeur, il me fait comme ça. Arrêtez, il me fait comme ça. J'ai dit, ça y est, il va me balancer, quoi. Et quand il m'a fait comme ça. Et quand je sors, il me dit, bon, ça va, c'est bon. Quand vous voulez l'émission, on va vous donner une émission. Et là, j'avais mon émission toutes les semaines à la radio. Pendant une heure, j'avais l'émission, une heure. J'ai pris un orchestre de 4 ou 5 musiciens. Puis c'est parti de là. مع الحباب في علم مضى مع الحباب فا D'abord, il y avait l'ambiance déjà. Nous étions à Alger. Tous les cafés morts faisaient de la musique, même si c'était pas des orchestres. Mais ils avaient tous des disques. C'était un qui faisait plus fort que l'autre. Quand vous passiez, par exemple, à la Casbah ou la rue Randon, là-bas, c'était tous les cafés morts, ils avaient leurs disques. Bon. Alors, donc, il y avait déjà cette ambiance. Vous marchiez dans la rue, vous entendiez... Ou même quand c'était des émissions de Radio Alger, ils avaient leur poste. Tout le monde mettait les voisins, les cafés, tout le monde mettait les... Donc il y avait plus d'ambiance et... C'était toute la journée du chant, si vous voulez. Il y avait des fois, quand c'était le Ramadan, dans tous les cafés, il y avait de la musique arabe. Et des fois venaient des chanteurs ou... de Bonn ou un peu de Tunis des fois, qui venaient faire des concerts, vous voyez. Alors j'allais les voir, oui, j'allais les voir. Mais enfin, ça m'ouvrait un peu des horizons. Mais ça n'est pas que... Vous savez, nous, on a une musique à part. Hein. L'Algérois, c'est, au Rouennais, c'est une musique à part. Donc le Tunisien, je ne l'ai jamais chanté. C'est pas que ça me déplaisait pas, mais enfin, je ne l'ai jamais chanté, le Tunisien. Et puis, j'allais écouter aussi un grand pianiste qui s'appelle Mohamed El-Kord, qui jouait dans un café pour le Ramadan, un très très bon pianiste. C'est tout, mais apparemment, nous, on n'était pas, vous savez, on aimait beaucoup notre musique, et c'était la nôtre qui primait d'ailleurs, hein, sur toute l'Afrique du Nord. Hein. Par exemple, on faisait un petit prélude qui fait après que c'est par exemple. يحسر على دوك ليام ينصرهم يعودوا دوم رجع الظلام وزمن دار مقصود Ça, c'est un prélude. Un prélude d'Arm el Maya. Puis alors, par exemple, c'était le Houzé qui donne à peu près, voilà. Aïn ishtirket ma'a qalbi, aïn ishtirket ma'a qalbi. Lema t'waqfou anni had nas, aoulou ala shdida adabi. حاولوا يسكنوني في برج بلا الساس وانا في الحسن متربي داروا عليا منا علف حساس عيت من صبر قلبي اه يا العالي ربي Voilà ce que donnaient les chansons à Saoud Lorané. Voilà. L'apprentissage se faisait comment? En écoutant. Il vous montrait que simplement... Oui. Non, rien du tout. Rien, on faisait beaucoup de soirées orientales. Et il était à l'époque très pris partout, dans les plus grandes familles, chez les Glaouis, vous voyez, chez les... Et moi, j'étais avec lui, je jouais la haute. Donc moi, j'avais l'oreille. Comme je vous ai dit, à 13 ans et demi déjà, je traînais mes fonds de culotte, mais j'ai traîné encore dans les sociétés de musique arabe. Dans les sociétés de musique arabe classique, andalou. C'est autre chose, hein. C'est tout autre chose. Voilà, c'est du classique, si vous voulez, je vais vous... Voilà. يوم حياتي Ben, hibbé, ça veut dire ce que j'ai aimé, quoi, vous voyez. Ce que j'ai aimé. Voilà, enfin, c'est très très joli comme, comme musique, hein, c'est très joli. Mais enfin, c'est de la musique lente, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça, c'est pour le classique. Et je chantais après avec l'orchestre de la station, qu'on appelle de Radio Alger. C'est-à-dire l'orchestre classique. De temps en temps, on me faisait venir pour que je fasse, que je chante avec eux. Alors là, il y avait 50 musiciens sur le... Des fois, ça se passait dans une très très grande salle, et c'était moi le chanteur, vous voyez ce que je veux dire. بكيت الدمعة من عيني ولا في وسط منامي. Mes tourments ne me quittent pas, même quand je rêve, je me souviens des mauvais jours. Je vois ma gazelle partout, je ne sais comment l'oublier. Y a-t-il un médecin pour me guérir de cet amour ? Ô sage, dites-moi s'il est un remède. الملام تفكر تغبني Le public était plutôt arabe, mais il y avait bien sûr, parce que bon, les Israélites étaient moins nombreux que les Arabes, mais le public était mélangé. Ah oui, le public était arabe et juif. Alors, donc, moi, à l'époque, je faisais toutes les... Enfin, toutes, non, mais une grande partie de noces et de communions. C'est moi qui faisais ça en Algérie. Parce que j'avais mon orchestre, vous voyez, parce que j'étais devenu populaire, quoi. Alors, on m'entendait à la radio. Mais je trouvais que la musique arabe, c'est très joli, mais au cours d'une soirée, quand on commence à 9h, vous savez, là, une soirée arabe, c'est toute la nuit, hein. C'est de 9h jusqu'à 4h du matin. Donc moi, j'ai constaté au fur et à mesure que je faisais mes soirées, vers les minuit, 1h du matin, ça tiquait un peu, les gens commençaient à être un peu las, enfin, du chant. Et je me suis dit, il faudrait quand même faire un peu de la musique moderne arabe. Moderne, comment moderne ? Bon, d'abord, on a commencé à faire des chansons un peu plus légères, plus rythmé, en arabe, toujours. Et puis après est venue la guerre. Bon, quand est venue la guerre, je me suis mis à composer des chansons franco-arabes. Franco-arabes. Et quand j'ai fait ça, le théâtre aux armées m'a engagé. Je faisais tous les galas, les galas d'aviation à Alger. J'allais dans tous les hôpitaux. J'étais engagé avec l'armée à faire tous le théâtre aux armées. J'avais une carte, je rentrais aux messes des officiers, vous voyez, je prenais ce que je voulais. Enfin, à l'époque, c'était, il y avait le marché noir, et c'était à la carte pour le ravitaillement. Enfin, j'ai commencé à faire les... Donc, j'ai fait ces chansons franco-arabes qui ont fait un gros succès. Par exemple, on m'appelle l'Oriental. Je ne sais pas si vous avez dû l'entendre. Vous voyez, qu'Enrico Macias chante. Bon, c'est moi qui l'ai composé. À l'époque, ça faisait un succès terrible. Puis je me suis amusé à faire des tangos aussi franco-arabes. Rumba, tango, enfin vous voyez. Voilà, et ça a beaucoup plu. Et donc après j'ai continué, enfin, non pas que sur le franco-arabe, je chantais ma musique, et puis, de temps en temps, je mettais une chanson franco-arabe pour donner un... Voilà, et ça avait beaucoup plu. Voilà, par exemple... Quand je t'ai vu la première fois, ma couche n'arrive que tu étais pour moi. Nos regards se sont croisés, on s'est compris. William Tamel, la fière ou tsundurne, je te pardonne, mon cœur est tout à toi. علاش ما تحبينيش بوركوا تي ما مبا قلت لك نحب نعيش وعمري غياك افيك توا خساره ما تفهمنيش حنيه بموا علاش ما تحبينيش بوركوا تي ما مبا voilà un tango par exemple on m'appelle l'oriental je pense que vous L'oriental, je suis un sentimental. Et on m'appelle l'oriental, le brun au regard fatal. Les tarfni, kabat chal, les yakni, wallayabel. Et cependant, je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. Voilà. C'est une chanson franco-arabe, ce genre-là, vous voyez, que j'avais fait. Et ça avait fait un succès terrible. Alors, à l'époque, après la guerre, j'étais engagé dans un... Que je vous dise aussi. J'étais engagé dans un cabaret qui s'appelait Le Soleil d'Algérie, au Faubourg Montmartre. Et à l'époque, j'avais tous les sommités qui venaient, les professeurs Laïnec, des députés, même des ministres et députés à l'époque. Il y avait monsieur le président François Mitterrand qui était à l'époque client qui venait avec beaucoup d'amis. Il était avocat et député à l'époque. Et donc il venait très souvent avec des amis. Il venait peut-être 2-3 fois dans le mois, vous voyez ce que je veux dire. Et il s'amusait, tout le monde s'amusait parce que ces chansons franco-arabes leur plaisaient terriblement. Et puis alors, il y a quelque temps, vous savez, monsieur Roger Hanin est un de mes amis, il m'a téléphoné en me disant, tu sais, Lily, je fiance ma fille, il faut venir aux fiançailles. Et il y a monsieur François Mitterrand qui voudrait t'écouter parce qu'il se rappelait de moi, vous voyez. Et j'ai dit avec plaisir, il était 6h, il m'a téléphoné, il était 6h. J'ai téléphoné à un batteur, parce qu'on devait être à 7h là-bas, 7h15, chez M. Roger Hanin. J'ai été donc chez lui, et je me suis mis dans un coin du salon, et puis rentré, M. Mitterrand est venu vers les 8h, 8h10. J'étais déjà dans le salon, il m'a dit bonsoir, et puis il m'a demandé 4 de mes chansons. Il s'est rappelé 4 chansons franco-arabes dont je chantais à l'époque, que je chante toujours d'ailleurs. Et je lui ai chanté ces 4 chansons, et il était très content, et moi aussi. ما تاخذوش عليا عمري ما غنيت في الدنيا لو كان ماشي العروس لا عزيزة عليا ما تسمعوا وحاسي هاد الجماعي. La mariée dans un jardin entre les roses et les jasmins. Elle est parée et chaussée d'or. Je chante et mon cœur est transporté de joie. Allez réveiller le mari, le passionné. La mariée est arrivée sur la jument du sultan. وصافي والسجنينا ما بين الورد والياسمينا دعم البستيل والمقينا ويجي العروس يسبها aussi fait des noirs arabes. Ah oui, il y a beaucoup de... Il m'est arrivé beaucoup, souvent, pas mal de fois, où j'ai fait des grandes noirs arabes à Alger. Bon, et ils me faisaient chanter, ils me considéraient comme un des leurs, quoi. Juif arabe, ça n'avait pas... Ah non, moi, j'avais pas de problème avec eux. J'ai jamais eu de problème, vous comprenez? Quand il y a un mariage... Ils prennent toujours des orchestres, les musulmans. Ils prennent toujours des orchestres arabes. Eh bien, il m'est arrivé pas mal de fois où j'ai, moi, fait des mariages arabes. Avec un bon orchestre, quoi. Ça a duré depuis 9h jusqu'à 4h du matin. Comme ça dure chez eux, la même chose. Vous comprenez ? Mais dernièrement, j'en ai fait un, ici même. C'était 300 personnes. C'est un monsieur qui habite la Suisse, un arabe qui habite la Suisse, et qui a fait une grande noce, et qui voulait moi. Il a dit au patron de l'établissement, écoutez, il faut m'avoir Lili Boniche. Moi, je veux absolument Lili Boniche. J'étais à Cannes, je me souviens, il m'a téléphoné, il n'y a pas tellement longtemps. Il m'a téléphoné en me disant, voilà, Lili, je suis un tel, et je marie ma fille... Et je lui ai fait la noce. Eh bien, ça a duré aussi. On a commencé à 9h et nous avons terminé à 3h30 du matin. Chez nous, dans la musique arabe, on a un prélude qui s'appelle Sika. Voilà ce que ça donne, le Sika. C'est le Sika, c'est un prélude. Bon, comme moi j'avais un peu modernisé, j'avais fait ça par exemple. Ça, oui, voilà ce que ça, c'est le prélude d'Andayou. Aït men stnek flil kif rajel qlil wal youm La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. J'ai fait des chansons comme ça, vous voyez, sur le... Voilà. Alors, emballé, rythmé, vous voyez, avec l'orchestre. C'est moderne, quoi. C'est moderne. Ouais. Disons que c'est vraiment typique, typiquement arabe-andalou, vous voyez ça. Ah, ça, c'est... Des fois, on fait des préludes comme ça, et les gens font « Olé !» Vous voyez. C'est vrai. Et c'est chanté. C'est des paroles arabes. Seulement, c'est... Vous voyez, quand j'ai un pianiste, par exemple, il me fait un prélude comme ça au piano, carrément andalou. Vous voyez ? Voilà, et tout l'orchestre suit hein, derrière. Hein. Violon, ils suivent, et ça fait moderne, quoi. Voilà. Pour enjoliver un peu la musique arabe. J'ai transformé, par exemple, aussi des chansons françaises en arabe. Par exemple, Histoire d'un amour. Je l'ai faite en arabe. Vous n'avez pas été tenté de chanter des chansons en yiddish, par exemple, ou de reprendre le domaine? Oui, j'avais aussi fait un peu ma yiddish et mama, en arabe, avec le même air. Vous voulez que je vais vous en dire deux mots? Oui. Voilà. وحش العباب اشوف كاري يا يا يا يا يا وفقو مطال عليا جرحت خدودي وبصاري يا ربي يا علي حان عليا ما يديش ماما راني راني غريب يا يما وما يديش ماما راني راني محقور ديما مشيت عليك يا اللي عزيز عليا ربي يهديك وتجيني ليا راني راني غريب يا ما voilà. Vous voyez, enfin ça je vous fais un petit couplet là, c'est tout hein. J'ai reproduit un peu Maïdé Chumama, Rani Rani, ça. Je suis très sensible auprès de toi, maman. J'ai beaucoup de peine parce que tu es parti, etc. Vous voyez, ça rejoint un peu les paroles de Maïdé Chumama. فرتكم والقلب قد صار عندكم فرتكم والقلب قد صار عندكم وصار من بعضكم بعضكم J'aime la musique. J'ai chanté toute ma vie. J'ai chanté toute ma vie, j'aime ça. Je chante encore. La musique, c'est... Là, quand on aime ça, c'est fini. Hein. On est accroché. On... Je me souviens d'un... de deux concerts dans ma vie qui m'ont marqué. J'ai fait une soirée, là, où... quand il y avait le Ouya Cardin, là, où il y a la grande... Vous savez, c'était une salle, comment s'appelait le... Aux Ambassadeurs, ça s'appelait. Une grande salle des Ambassadeurs, là, au rond-point des Champs-Élysées. Ça m'avait marqué parce que ma mère était dans le coma. Et j'ai dû chanter, et je pleurais, je chantais, je pleurais. Alors, je sais pas, ça m'a fait un effet... Et puis dernièrement aussi, mon frère est décédé. Et j'avais un contrat, j'étais obligé de chanter. Il est décédé le samedi à 2h. Et le soir, j'avais une soirée que j'étais obligé de faire. Et mon frère était mort. J'ai chanté, alors ça m'a marqué. Vous voyez ? Toutes les fins de soirée, je vais vous faire voir ce qu'on chante. Quand la soirée est terminée, ça, c'est le final, ça s'appelle Bqaou ala khir. Ça veut dire au revoir, au revoir. Alors, bien sûr, la vraie chanson de Bqaou ala khir est comme ça, voilà. ياسمين الله يخلينا كيما رانا كاملين ابقوا على خير ابقوا على خير سهوا علينا الله يخلينا كيما رانا كاملين ابقوا على خير. Voilà, et moi je l'ai celle-là, je l'ai un peu transformée en moderne. Alors ça c'est la vraie chanson. Qui veut dire le au revoir. Au revoir, au revoir et merci de la bonne soirée qu'on a passée, etc. Mais moi je l'ai j'ai fait un autre air. Voilà comment je la fais moi maintenant. الله يخلينا كيما رانا كاملين على خير الورد والياسمين الله يخلينا كيما رانا كاملين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الزهو علينا وإن شاء الله تروحوا تروحوا بالسلامة على خير من زهو علينا إن شاء الله تروحوا بالسلامة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Je l'ai modernisé, quoi. C'est comme ça que je quitte le public. Et puis alors, chez nous, on a des rites. Des fois, elles durent très longtemps, la chanson. Parce qu'il faut citer le nom des invités. Alors, des fois, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, parce que l'autre, j'ai pas dit son nom, il me fait « et moi ?» Et l'autre, il me dit « et moi ?» Et moi. Et alors, il faut toujours faire la rime, hein, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je sais pas moi, si vous vous appelez Dupont, par exemple, il était sur le pont, que Dieu laisse Monsieur Dupont. Vous voyez ? Mais en arabe, hein, ça je le dis en français, mais c'est en arabe qu'il faut le faire. Vous voyez ? Alors voilà, des fois ça dure une demi-heure ou 20 minutes. Ça c'est le bonsoir. Et comme ça je salue tout le monde et je dis bonsoir à tout le monde par la même occasion. Les doubles cordes ou les enfants du luth, Renette Loranaise et Lily Boniche. Bruno Sourcy, Jean-Pierre Milovanov, mixage Noélie Louis-Marie, Jean-François Néolier. Il existe de nombreux disques de Renette Loranaise et plusieurs de Lily Boniche, à signaler particulièrement ce qu'on trouve chez Michel Lévy Productions. Nuit magnétique, bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 22 février 1991 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.